Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Grande Muraille de Chine. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Véritable emblème de la Chine, elle continue d'attirer chaque année des hordes entières de touristes, mais aussi les têtes couronnées du monde entier et des personnalités politiques de tous les horizons, comme en témoigne cette déclaration que vous venez d'entendre de Ségolène Royal lors de son passage sur la Grande Muraille en janvier 2007, alors qu'elle était candidate à l'élection présidentielle française, une déclaration qui n'était d'ailleurs pas passée inaperçue compte tenu de l'utilisation du mot « bravitude » par la candidate socialiste. La Grande Muraille continue de nous fasciner, sa démesure, l'incroyable harmonie avec laquelle elle se fond au paysage et son caractère historique unique en font aujourd'hui encore un passage obligé pour qui veut vraiment découvrir la Chine. And one stands there. Lorsqu'on se trouve devant le mur, qu'on le voit se prolonger vers le sommet de cette montagne, qu'on réalise qu'il s'allonge ainsi sur des milliers de kilomètres au-dessus des montagnes et à travers les vallées de ce pays, et qu'il a été construit il y a plus de 2000 ans, on ne peut que conclure qu'il s'agit d'une grande muraille construite que par un grand peuple. This is a great wall, and that it had to be built by a great people. Many lives, of course, were lost in building it. Bien sûr, sa construction a coûté la vie à de nombreuses personnes parce qu'il n'y avait pas d'équipement ou de machinerie à cette époque. Tout a été fait à la main. Il s'agit assurément d'un symbole de ce que la Chine a été dans le passé et de ce qu'elle peut devenir dans le futur. And what China in the future can become. Le président américain Richard Nixon, lors de sa visite historique en Chine en 1972, pour nous raconter l'histoire de la Grande Muraille de Chine, je reçois l'historienne Évelyne Ferron. Évelyne Ferron, bonjour. Qu'est-ce qui rend... Tous les chefs d'État se sont rendus, se rendront à la Grande Muraille un jour ou l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend cette Grande Muraille de Chine si unique, si célèbre, Évelyne Ferron? Il y a beaucoup de facteurs, en fait, qui la rendent très célèbre, mais je dirais politiquement, diplomatiquement, en tout premier lieu, c'est que c'est sûr qu'après la révolution culturelle de Mao, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vestiges de l'histoire de la Chine qui, ceux qui n'étaient pas sous terre, on ne parle pas des tombeaux, ont été détruits. Donc, la Grande Muraille, c'est un des derniers grands bastions d'une histoire qui n'est pas contemporaine de la Chine. Donc, on remonte quand même au 17e siècle pour ces morceaux les plus impressionnants. Qui est difficile à détruire. Quoique, on y reviendra, là, il y a des menaces, il y a des facteurs qui menacent la Grande Muraille. Mais ça, c'est intéressant. Au fond, cette Chine de Mao, on l'oublie, mais elle a voulu tourner le dos à ce grand passé impérial. Et on a tellement détruit de monuments en anciens, des dynasties précédentes qui ont marqué l'histoire impériale de la Chine que quand on amène des diplomates étrangers puis qu'on veut avoir une photo qui montre un peu ce que la Chine a déjà été comme de grandiose, ce qu'elle a comme patrimoine aussi, c'est un des derniers grands vestiges à protéger pour la Chine. C'est sûr que visuellement aussi, elle a cet avantage d'être une forteresse. Alors, elle est en hauteur, elle serpente dans les montagnes, on le dit bien, tout près de Pékin déjà, elle est en serpentin, elle peut se rendre très très loin, mais le morceau qu'on monte généralement est tout près de Pékin, donc fait facile d'accès aussi. Mais il y a quelque chose d'impressionnant. Oui, on d'abord. Voit les bastions de surveillance, on voit que c'est large, on voit qu'on se promène là-dessus. Je veux dire, on peut faire des marathons sur la Grande Muraille de Chine. On fait des marathons sur la Grande Muraille de Chine parce qu'il y a une belle publicité. C'est sûr qu'avec le panorama qui est autour aussi, c'est un format carte postale. Donc, pour la Chine, c'est probablement le meilleur outil publicitaire de tout son patrimoine historique, de ce qui lui reste en tout cas. Ouais. C'est surtout ça, en fait, la petite ligne de faille. Puis il y a toute une mythologie autour de la Grande Muraille. Ce serait d'ailleurs, est-ce que c'est vrai, mais ce serait la seule structure sur Terre qu'on peut voir à partir de la Lune? C'est pas vrai. Ça avait été dit par des astronautes qui croyaient avoir vu la Grande Muraille. Ils se disaient, d'après où on se trouve, on pense bien que c'est ça qu'on voit. Il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites pour voir est-ce que c'est possible, vu la distance qu'on voit la Grande Muraille. Elle n'est pas si haute que ça. C'est pas un monument qui est si haut. Donc ça, on ne peut pas voir la Grande Pyramide d'Égypte. On ne peut pas voir la Grande Muraille de Chine. Donc, non. En théorie, il faudrait être assez près de la Terre pour pouvoir voir ces grandes structures-là. Donc, c'est plus un mythe qu'autre chose. C'est parce qu'on pensait à peu près, vu l'endroit, que c'était probablement ça qu'on voyait. Mais ça a marqué l'imaginaire. Et la Chine ne contredira pas ça. parce que ça lui fait encore une fois une publicité. Elle aurait le seul monument qui serait visible de la Lune. Donc, jamais elle va comme dire, oh, mais finalement, c'est pas vrai. Ça ajoute au mythe hein, de ce monument-là. Pour les Chinois eux-mêmes, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, cette grande muraille? Beaucoup de choses. Elle représente de l'argent. Ah, c'est ridicule, là, peut-être d'un certain point de vue, de dire, ben voyons donc, c'est un monument historique, puis la première chose qu'elle dit, c'est de l'argent, mais oui, c'est que ça rapporte. Donc, les gens connaissent peu la Chine, mais le tourisme en Chine est très ouvert maintenant. Donc, il y a vraiment des gens de partout dans le monde qui voyagent en Chine. Les compagnies aériennes offrent beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de forfaits maintenant qui sont ouverts. Et les touristes connaissent si peu la Chine que quand on leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez voir? Ben la première chose qui leur vient en tête, c'est la Grande Muraille. Ouais. Si je suis allée en Chine pour mon selfie, on parle de 2018, mais c'est ça. Pour mon selfie, ben, il faut que mon selfie soit frais de la Grande Muraille, sinon on ne saura pas que je suis en Chine. C'est parce que c'est distinctif des autres cultures orientales aussi, où des fois les gens mélangent les architectures et tout ça. C'est vraiment ce qui la distingue. Donc, pour les Chinois, elle représente des bons revenus, mais présentement, il y a un tournant. Donc, les équipes archéologiques, les ministères de patrimoine aussi en Chine ont décidé de la restaurer, ont décidé de faire des fouilles archéologiques dans les secteurs les plus reculés de la muraille où personne ne va jamais dans le désert de Gobi et tout ça, pour en comprendre l'histoire. Mais il y a plein d'inscriptions sur cette muraille-là qui n'ont jamais été même relevées parce que c'est des sections où peu de gens passent. Là, on s'est dit, on va vraiment essayer de la replacer dans son contexte historique et d'expliquer aux gens quelle a été l'histoire de la Chine à travers la Grande Muraille, puisque c'est un des derniers grands vestiges archéologiques et historiques qu'on possède. Donc, il y a vraiment comme deux utilités, je dirais, en 2018 à ce monument-là. Alors, plongeons justement dans cette histoire de la Grande Muraille. Ça commence quand, cette histoire-là, ça commence quand, la construction de la Grande Muraille? Ça commence, en fait, on est vers 221 avant Jésus-Christ, donc on remonte quand même à l'Antiquité. Oui, c'est ça. On dit la Grande Muraille, mais en fait, ce sont les Grandes Murailles. Oui. Il y a eu plusieurs constructions de cette muraille-là. Le tracé a changé au fil du temps. Les matériaux de construction ont changé aussi. Mais vers 221 avant Jésus-Christ, il y avait plein de tribus, beaucoup de nomadisme dans la région de la Chine. C'est gigantesque. Là. Avec les montagnes et tout ça, il y a plein de populations qui ont toujours vécu de l'élevage, du transport d'animaux. Mais il y a une unification de la Chine qui se réalise sous celui qu'on appelle le premier empereur, qui est Qin Shi Huang, qui est celui qui est associé à la fameuse armée de Tarkut. Ah oui. Donc, c'est le premier empereur. Et comme il arrive à unifier une partie du territoire de la Chine actuelle sous son autorité, bien, il veut protéger le territoire des invasions des populations nomades et semi-nomades qui se trouvent un peu partout, qui fonctionnent souvent par raid au printemps. C'est que ces gens-là, souvent, l'hiver, vivent dans leurs tentes rondes, cachées un peu partout, au chaud. Mais au printemps, ils ont besoin de manger. Les animaux fournissent pas tout, donc ils veulent du grain, ils veulent souvent, en fait, même des fruits, des choses comme ça. Donc, ils font des raids dans les secteurs plus habités, et c'est ça qu'on veut prévenir. Et c'est donc, une barrière de protection. C'est une barrière de protection contre des populations, en fait, contre lesquelles on ne sait jamais où elles vivent, d'où elles arrivent, donc qui sont une menace difficile à cerner, en fait. Et en réunifiant les petits bouts, parce qu'il y avait déjà des murailles à gauche, à droite, mais on essaie de mettre tout ça en un grand ouvrage, en un grand ensemble. C'était des petites buttes de terre, parce qu'on est en 221 avant Jésus-Christ, mais sous le premier empereur, quand même, faut réaliser qu'elle n'est pas du tout en briques. C'est vraiment de la terre battue dans laquelle on insère en fait du bois de saule, de roseau pour que ça tienne. On remplit ça avec du sable, donc on monte ça de plus en plus haut. Et c'est sûr que la main d'œuvre utilisée devait être assez impressionnante. Si son armée de terre cuite et son tombeau qui aujourd'hui fascine les gens, on estime que ça a pris 36 ans à construire, bien c'est sûr qu'une muraille comme ça faite de terre battue qui est faite quand même pour protéger une frontière a pris quand même plus qu'une décennies à construire et une charge, je dirais, de main-d'œuvre pour transporter la terre, couper les roseaux, faire le travail de piloter tout ça, parce que c'est très long. Ça veut dire qu'il faut piloter à chaque fois chaque étage. Dans des conditions épouvantables. Oui, parfois même très chaudes, très sèches aussi. Donc, on s'entend que c'est les fermiers. L'histoire de la Grande Muraille, même quand on la fera plus récente, la Chine doit ça à sa force de travail de base. Ce sont ces paysans qui ont construit ça. Oui. Mais parlons-en de la plus récente, puis tout est relatif, évidemment, parce que cette Grande Muraille qu'on voit aujourd'hui, ça remonte à la dynastie des Ming. Oui, donc celle qui est vraiment en briques avec les bastions qui sont quand même très, très hauts, très, très larges aussi, qu'on appelle le dragon de pierre, donc qui serpente vraiment à travers la montagne. Ça arrive avec les Ming, donc c'est une dynastie qui est quand même très puissante, qui arrive après ce qu'on appelle l'invasion mongole de la Chine. Donc la Chine a connu à partir de Genghis Khan une période où ce sont les Mongols, en fait, qui ont géré le territoire. C'est la dynastie des Yuan et les Ming, donc, prennent le pouvoir, deviennent une dynastie dynastie chinoise quand même très puissante. On est vers 1368-1644. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est, oui, une protection militaire justement contre les autres populations mongoles et autres tribus qui sont encore nomades, semi-nomades et qui font des règles des fois très violentes. Mais ils ont aussi une volonté, c'est de s'assurer que cette muraille-là passe en travers de la route de la soie pour aller chercher un péage et des taxes aussi. Mm-hmm. Alors, sous les Ming, là, vraiment, on estime quand même qu'il peut y avoir jusqu'à 500 000 personnes qui ont travaillé là-dessus pendant certains mois. On parle de 100 000 tonnes de briques qui vont être cuites à différents endroits, qui vont vraiment servir à monter la muraille. Ce qu'on en veut, c'est un mur de surveillance. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des grands bastions où on peut imaginer les militaires qui marchaient sur les tours, qui sont vraiment disposés à des endroits très précis, à peu près aux 500-600 mètres sur la muraille, pour voir les ennemis, mais être capable aussi, vu qu'ils sont en bas de la muraille et le militaire est en haut, de tirer à vue si nécessaire. Donc, il y a vraiment tout un objectif militaire sous les Ming, mais il y a aussi une légende autour de cette construction-là. On aurait demandé à l'architecte combien de briques ça va prendre construire ton mur. Il aurait estimé un montant, un nombre. C'est une légende. On parle de 999 000 briques. Mais c'est complètement ridicule. C'est ridicule. Elle fait, parce qu'il y a un autre mystère, par ailleurs, oui. Parlons-en tout de suite, mais on parlait de est-ce qu'on peut l'avoir de la Lune, mais j'allais dire c'est complètement ridicule parce qu'elle fait... On ne sait pas combien... Quelle est la longueur réelle de la Grande Muraille, mais c'est des milliers de kilomètres. Oui, celle des Ming, on estime à peu près un peu moins de 9000 kilomètres, mais si on rajoute les bouts qui ont existé depuis le premier empereur jusqu'au Ming, on peut aller jouer dans les 20 000 kilomètres au total. Mais ce qui en reste aujourd'hui, la celle dont on parle, qui est vraiment celle de la dynastie Ming, avec les 999 000 briques, si possible, elle ferait à peu près 9 000 kilomètres. La légende, c'est qu'il serait resté une brique et on aurait dit à cet architecte, tu t'es trompé, c'est du gaspillage, il reste une brique. Il dit non. Il dit, cette brique, je vais la mettre au-dessus d'une porte d'entrée. Quand les gens vont passer en dessous, elle va porter chance et elle est là. Il y a une brique à un bastion, en particulier d'entrée de la muraille, qui ressort toute seule en Chine. Donc, est-ce vrai ou pas vrai? Ça, on laisse ça planer. Mais ça vient rajouter un certain mysticisme à l'histoire de la construction de ce monument. Parlons plus précisément de l'utilité de la Grande Muraille et de la façon dont cette utilité va changer, va évoluer au fil du temps. Je propose d'abord d'écouter un extrait de l'émission Le magazine des explorateurs, diffusée en 1958. Vous allez y entendre le réalisateur Serge Bourguignon qui, à ce moment-là, venait de faire un documentaire sur la Grande Muraille de Chine. Une défense, au fond, extrêmement subtile. C'est à la fois une barrière et un boulevard. Une gigantesque barrière qui part du Pacifique et qui va jusqu'au désert de Gobi. 2500 km, comme cela. Ça a parfois, certains fortins ont 30 mètres de haut, mais en moyenne, ça a une dizaine de mètres de haut. Et ça, je crois, les endroits les plus larges permettaient à des chars de passer, et en tout cas, on y circulait à cheval. C'était un boulevard surélevé qui servait de barrière contre les invasions des hordes qui venaient de Mongolie. Qui était public, qui n'était pas sacré. Ah, pas sacré, mais il n'y avait que des militaires, enfin... Il n'est pas du tout question que... D'ailleurs, j'ai l'impression que c'était très malsain de s'y promener parce qu'il pleuvait des flèches. Ah bon? Ah oui, à coup sûr. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est bâti à toute épreuve, ça a pratiquement 2000 ans. Alors, ça va servir à quoi et comment ça va évoluer l'utilité de cette grande muraille au fil du temps, Évelyne Ferron? Bien, c'est sûr qu'au début, quand on parle du premier empereur, là, c'est uniquement militaire. L'objectif, c'est on en fait un territoire unifié, c'est fragile et il y a trop de populations qui peuvent venir menacer, en fait, la stabilité. Donc, on fait une muraille en terre battue, quand même très, très haute, qui sert à empêcher les populations d'entrer facilement. Mais la hauteur, bien, effectivement, ça sert à tirer les flèches et ça sert à voir venir l'ennemi aussi. Donc, ça, c'est sa première utilité. Quand on arrive sous les Ming, par contre, comme je disais, l'objectif change quand même un petit peu. Oui, il y a toujours cette nécessité de voir venir les hordes de tribus nomades, semi-nomades qui restent un petit peu partout, surtout dans le secteur du désert de Gobi. Donc, plus on s'en va vers les zones désertiques, vers les steppes et tout ça, plus on a de populations qui vivent justement de l'élevage de chevaux et qui peuvent attaquer de manière très sournoise. Ça, c'est une section qu'il faut vraiment qu'on protège. L'autre objectif, par contre, c'est que ça devient aussi une autoroute. Ouais. Alors, sous les Ming, c'est que plutôt que les militaires aient à se promener dans la montagne, ce qui peut être long, on peut s'enliser dans la boue, on a des périodes de grande pluie, c'est sûr que là, on a un pavé en briques qui permet effectivement la circulation des chevaux et des armées. Alors, on peut même la qualifier d'autoroute à ce moment-là, mais elle est surtout un poste de péage pour contrôler, en fait, avoir des taxes pour les gens qui font le commerce de la fameuse route de la soie. Ben, justement, et ça, c'est un changement. Parlez-nous de ça, en fait, parce que ces deux histoires qui sont intimement liées, celle de la Grande Muraille et de la route de la soie, est-ce qu'elles se longent? Est-ce qu'elles se rencontrent? Elles se rencontrent, elles se croisent. Parce que la route de la soie, c'est la même chose que pour la Grande Muraille. On devrait dire dire les routes de la soie. Là, il y en a un tronçon qui va rentrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est très difficile encore là d'évaluer quel tronçon, parce qu'on s'entend que ce n'était pas en asphalte ou quoi que ce soit, donc c'est très difficile, en fait, à déterminer. Mais il y a des secteurs de la route de la soie qui, quand même, on a encore des cabanes de surveillance ou des choses comme ça qu'on va essayer de préserver. C'est beaucoup plus diffus, très difficile d'établir le tracé précis de la route de la soie, alors que la Grande Muraille, là-dessus, elle est incontournable. On la voit, il y a des vestiges plus ou moins bien préservés, mais c'est une structure haute, large. On peut pas la manquer, mais elle croise les routes de la soie. Donc, ça veut dire que ce que la Chine voulait, c'est que le trafic, en fait, qui passait de son territoire vers le Moyen-Orient, parce que la route de la soie, c'est un peu ça, mais c'est la route de la soie des épices, des pierres précieuses, semi-précieuses aussi. Oui, qui faisait le pont avec l'Occident. Donc, déjà, l'Empire romain, ceux qui ont vu les destructions de l'oasis de Palmyre par l'État islamique, c'était sur la route de la soie, ça aussi. C'était un des arrêts d'eau dans le désert avant de pouvoir atteindre plus tard la mer Méditerranée. Alors, c'est vraiment très vaste. Mais la Grande Muraille, ce qu'elle permettait, c'est de couper, en fait, le transport de la soie qui arrivait de la Chine et qui, après ça, allait passer de l'autre côté. Et les gens qui amenaient différents produits, même des épices, du côté du territoire chinois, ce qu'on voulait, c'est que les marchands paient des taxes à l'État chinois pour pouvoir traverser. Alors, c'est pour ça qu'on le fait à travers les routes de la soie. Et ça a enrichi les Ming énormément. Quand on pense aux Ming, tout le monde se dit « Ah oui, dans les films, ils parlent tout le temps des fameux vases Ming. » C'est que c'est une époque culturelle magnifique dont il reste peu de choses à cause de l'époque de Mao, encore une fois, mais où ces taxes-là vont permettre de faire des palais grandioses, vont permettre de produire, en fait, des œuvres d'art quand on en trouve qui sont d'une magnificence. C'est parce qu'on a l'argent pour le faire. Et ça vient beaucoup de ce contrôle de la route de la soie grâce à la Grande Muraille. Qui va durer jusqu'à quand? Elle va être ni plus ni moins qu'abandonnée à un moment donné, la route de la soie. Elle va même se détériorer. Oui. Ça se termine quand? L'exploitation de cette Grande Muraille. Quand les Européens vraiment vont commencer à pouvoir faire le transport par la mer, après le siège de Constantinople en 1453, quand même, les Européens vont dire « Oups, là, il y a un passage là, sur le transport des épices qui s'est arrêté. » Alors, ça veut dire qu'on doit trouver une voie maritime pour contourner le blocus de Constantinople par les Ottomans. C'est sûr que là, quand on va faire la navigation, va s'améliorer, qu'on va faire les premières circumnavigations, ça y est, le transport maritime va rendre le transport des épices et tout ça beaucoup plus rapide. Les Hollandais, les Portugais vont profiter de ça très rapidement. Ouais. Et graduellement, une route caravanière à dos de cheval, à dos de chameau, va être beaucoup moins efficace que la voie maritime. C'est ça, en fait, qui fait qu'elle elle tombe en désuétude au gré du temps, quand les compagnies des Indes orientales... Et pareillement, la Grande Muraille, donc. Oui et non, la Grande Muraille, c'est aussi une défaite militaire. Donc, son histoire est liée aux militaires, mais elle est, à un moment donné, elle ne suffit pas. Alors, quand les Manchous vont arriver, qui va devenir la dynastie Qing, qui va suivre la dynastie Ming, qui est celle qui reste au pouvoir jusqu'à ce qu'on n'ait plus vraiment de régime impérial en Chine, là, eux vont réussir à percer certaines défenses de la Grande Muraille et vont démettre les Ming, en fait, du pouvoir et vont prendre le pouvoir en Chine. Alors, il y a aussi un échec militaire pour la Grande Muraille. Et c'est pour ça qu'elle est détruite à plusieurs endroits. Ce qu'on montre dans les images, c'est un très petit morceau. Il est très beau, mais quand on monte plus loin dans le nord de la Chine, je veux dire, la partie des briques est effondrée, on voit la sous-structure. C'est par là, en fait, qu'ils sont passés. Ils ont attaqué par les montagnes, par le désert. C'est ce qu'on appelle des prises en trident. Souvent, on arrive par trois points, on se referme sur l'ennemi et là, il n'y a plus rien qui est possible. On écoute justement un reportage d'Yvan Côté qui va nous parler de ce qui reste. C'est très peu, effectivement, de ce qui reste de cette Grande Muraille de Chine. Un reportage diffusé au Radio-Journal du 13 juillet 2015. Elle est l'emblème de la Chine, son monument le plus prestigieux. Construite pour défendre un empire, la Grande Muraille a aujourd'hui besoin d'être elle-même défendue. Selon une étude officielle du Parti communiste, près du tiers de la partie construite lors de l'époque Ming, la portion la plus célèbre de la muraille, a complètement disparu. Et la situation pourrait encore s'envenimer, prévient Dong Yaohui de la Société de la muraille de Chine à Pékin. La muraille est comme un être humain, avise-t-il. Elle est malade et personne n'en prend vraiment soin. Au cœur du problème, la construction de routes, les catastrophes naturelles, mais aussi le pillage. Dans les années 60, 70 et 80, des milliers de résidents le long du mur ont volé des pierres pour construire leurs maisons. Si ce phénomène a disparu avec la prospérité de la Chine, un autre fléau a depuis fait son apparition dans les campagnes. La vente de pierres sur le marché noir pour aussi peu que 7 $ l'unité. Les pénalités sont pratiquement inexistantes, s'insurge Dong. Le gouvernement doit faire plus et la population doit s'impliquer pour protéger ce que nos ancêtres ont mis 2000 ans à ériger. Dans les faits, moins du dixième des 21 000 kilomètres de la Grande Muraille de Chine ressemble à l'image parfaite que les gens s'en font. Ici, Yvan Côté, Radio-Canada, Chen Jiaopu. Qu'est-ce qu'il en reste de cette Grande Muraille, Evelyne Ferrand? Qu'est-ce qui menace ce qu'il reste de cette Grande Muraille? Mm-hmm. Ce qu'il en reste, bon, on l'entend Yvan Côté le dire, c'est vraiment un petit bout, en fait, de murs de briques et de bastions sur, bon, plus de 9000 kilomètres qui est en état. Donc, il y a vraiment toutes les sections, quand je disais, vers le désert de Gobi, mais qui est la route de la soie. Mm-hmm. Ce secteur-là qui mériterait d'être peut-être plus mis en valeur, là, c'est de la terre battue, effondrée, les briques sont dans le sable, c'est pas en état du tout. Donc, c'est pas vrai qu'on peut courir la Grande Muraille au complet pendant 9000 kilomètres. À un moment donné, il y a des arrêts, il y a des trous et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il n'en reste pas un si grand morceau. Et c'est sûr que comme les vestiges les plus anciens qui sont intéressants sont en terre battue, bien, il y a un côté moins glorieux à l'avoir. Mais ça n'enlève pas son aspect, ouais. sa valeur historique pour comprendre comment la Chine s'est construite aussi. Et les enjeux sont là du côté de la Chine. C'est que là, il y a vraiment une pression des archéologues qui disent, bien, écoutez, vous nous donnez de l'argent pour trouver des tombeaux. Ils en trouvent beaucoup ces temps-ci. C'est très riche. L'archéologie chinoise, depuis quelques mois en particulier, là, la quantité de tombeaux avec des chars d'époque et tout ça qui ont été découverts, c'est superbe parce qu'on a enfin une vitrine sur la Chine ancienne et on peut plus facilement imaginer comment on transportait les matériaux pour faire le premier mur et tout ça. Donc là, il y a une volonté d'essayer de réembriquer toutes les parties de l'histoire de Chine autour de la Grande Muraille, parce qu'elle en fait partie. Mais ce qui la menace, bien, c'est vraiment le tourisme. C'est que là, en la mettant en valeur... Parce que le pillage, est-ce que c'est réglé, la question du pillage? Non, pas du tout. Elle est sur le patrimoine de l'UNESCO depuis 1987, ce qui aurait dû la protéger. Le problème, c'est qu'en 1987, la Chine n'était pas si ouverte sur le monde que ça. Le tourisme était essentiellement local. C'était effectivement les paysans qui, dans les sections les plus au nord, récupéraient des très, très bons matériaux. Ouais. Parce qu'ils construisent encore leurs barrières contre le désert en terre battue de la même façon. Ouais. La technique n'a pas changé. Là, ce qui est le problème, c'est que quand vous allez sur la Grande Muraille, que les gens, un peu comme pour les pyramides, disent « Ah, je vais être tout seul pour mon selfie sur la Grande Muraille. » Bonne chance! C'est des hordes et des hordes de touristes de partout en Asie, de partout dans le monde. Circuler est difficile, mais donc, ça fait en sorte que c'est très facile, même pour les touristes, de prendre des petits morceaux et de les ramener chez eux. Mais à la quantité de touristes qui passent, on parle de millions de personnes par année, si tout le monde se ramène un petit morceau, et c'est ça qui est en train de la dégrader, c'est qu'il y a vraiment des trous et des pierres qui s'effondrent parce qu'il y a des gens qui ont pris des petits bouts en disant que c'est pas grave. Et le fait qu'on en vende en plus sur le marché noir, comme pour plein de pays, à des prix qui sont vraiment dérisoires, ça augmente la demande. Ouais. Alors là, il y a des Chinois qui vont chercher des morceaux sur la muraille dans des secteurs moins surveillés parce qu'ils disent « je peux faire de l'argent en ligne à vendre des morceaux de la muraille de Chine ». Ça la dégrade terriblement et c'est sûr que le gouvernement a de la difficulté à la protéger. Évelyne Ferrand, historienne habituée de l'émission, merci. Oui, ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.